Sébastien et Julien s'éloignent un peu du groupe. Julien s'allonge dans l'herbe, met ses écouteurs et écoute de la musique rock. Sébastien reste assis. Il regarde le paysage. Excepté le bavardage des autres, tout est calme. Son regard suit la petite route de campagne et, juste avant le dernier virage visible, s'arrête sur une vieille grange en bois à moitié cachée par les buissons et les arbres et sur une camionnette noire fermée. Tout à coup, Sébastien se lève, fait quelques pas et s'arrête comme frappé par la foudre. Un gros homme qui semble très fort porte un énorme sac en plastique noir à demi rempli dans la camionnette. Puis la camionnette démarre et disparaît. Hé, vous ne voulez pas jouer au foot avec nous ? Demande Thierry. Qu'est-ce qu'il a, Sébastien ? Il a l'air tout chamboulé. Laisse-le. Et toi, Julien ? Je préfère écouter de la musique. Fainéant ! Un peu déçu, Thierry rejoint le groupe. Julien, le meurtrier, je viens de le voir, bégaye Sébastien. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Julien respire à fond. Tu te moques de moi ? Non, là-bas, dans la grange. Il vient de partir. Il a transporté quelque chose dans un sac en plastique noir. La voix de Sébastien devient de plus en plus forte. C'est donc là qu'il a tué les filles ! Pas si fort, avertit Julien. Prudemment, il regarde les autres qui, un peu éloignés, jouent au foot, insouciants. Dans son imagination, Sébastien revoit la photo de la jeune fille, ses yeux brillants, son beau sourire. Il prend alors une décision courageuse. On va voir. Tu n'as pas peur ? Ben, un peu quand même. Je t'accompagne, dit Julien. Si on se dépêche, on aura assez de temps. Il nous reste tout juste une demi-heure. Mais personne ne doit le savoir.